êtes assez fou pour l'écouter. On reçoit Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori. Une tarte à la citrouille de fête d'Halloween dans C'est un fait. Assemblage requis, ça commence maintenant! Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 1er novembre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. François, hier, c'était l'Halloween, tu sais, tu t'en rappelles? J'ai donné des bonbons! T'as donné des bonbons, toi? Ben oui, j'ai donné des bonbons. Ah ben, t'en as donné beaucoup? Quand même, j'avais fait à peu près 100 sacs. Et puis... Mais t'as fait ça à la main, des petits sacs avec des bonbons choisis, là, sélectionnés par un maître. Ouais, ben, des bonbons que j'aime. Ben, c'est ça. Ben, c'est... Ça, tu les as pas juste gardé pour toi, ça? Non, c'est ça. En fait, et puis j'ai dû en passer à peu près 80. Pas pire. Ouais, le reste, pire. Dans ton ventre plus tard. Ouais, le reste, vas-tu? Je les ai oubliés. Je voulais en amener aujourd'hui. Ah, c'est vrai, j'en ai acheté aussi. Je les ai oubliés. Dans les prochains jours. De toute façon, il est bon mois d'Halloween, ça va durer jusqu'à Noël, cette affaire-là. Ouais. Sinon, ben, c'est ça. Avec la citrouille, est-ce que t'avais une citrouille chez toi? Ouais. Hey, c'est ma blonde qui l'a faite, en plus, elle était très belle. Ta fille et ta fille. Ma fille. Excuse-moi. Merci. Ouais, ta copine est en art plastique. Ouais, elle a fait son bac en art, en fait, bac en enseignement des arts ici à l'UQTR. Ça doit être beau, donc. C'est très bien réussi. Est-ce que t'as pris ça en photo pour mettre ça sur le Facebook? Attends un peu, je pourrais essayer de te trouver ça. Faudrait bien. Je pourrais essayer de te trouver ça. Je veux être impressionné par une belle citrouille. Attends un petit peu. Bon, on fera pas ça live à la radio. Non, par contre, c'est là. Ça pourrait être long. sinon, c'est ça. Moi, je suis allé dans les centres commerciaux connus là, pour aller chercher des bonbons à 50%. Hier, ça? Ouais. Hier, il était à 50%. Je pensais pas, moi non plus, que le jour même de l'Halloween, je me dis, tu sais, mettons, je vais donner des bonbons dans ma maison, mettons, mais je vais aller les acheter le jour même de l'Halloween. Tu sais, normalement, les magasins devraient te faire payer plein prix. Ça. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est déjà réduit. Ouais. Après souper. Bien important. Peut-être que dans la journée, c'était pas à moitié prix. Ouais. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bel Halloween. J'espère que vous avez apprécié notre spécial Halloween hier. Hein? Oui. On dirait que notre house band a retrouvé sa voix régulière. Ouais, on aime ça. C'est difficile de changer. Assemblage requis pour aujourd'hui. Pas facile, ça. J'avais l'air vraiment mort-vivant. J'aime ça. Aujourd'hui à l'émission, donc Assemblage requis, on revient dans notre format régulier. Le plus de niaisage avec une émission poche d'Halloween là, qui fait comme si c'était bon, mais dans le fond, c'était super mauvais. Hein? Donc aujourd'hui, on va avoir la chronique de Stéphanie Gagné. Ouais. Ton plat favori. Ouais. Elle nous présente ses coups de cœur de la semaine. Et j'ai entendu des rumeurs là, sur Internet, qu'il y a des rumeurs qui circulent tout le temps par rapport à la chronique de Stéphanie. Tu sais? OK. Comme un genre de buzz autour de ça, sur le plateau, en fait. Qui va nous jouer du Mystère Valère. Tantôt. Oh, ouais. Ça va être bon. Ben hâte d'attendre ça. Elle a redécouvert ça ou... Non. Elle les a vus en spectacle souvent. Mais elle va nous en faire jouer. Je sais pas pourquoi. Peut-être que ça a un rapport avec un spectacle qu'elle est allée voir. J'ai aucune idée. On en parlera avec elle tantôt vers les 8h. Sinon, aussi, aujourd'hui, on a la chronique CNX, la chronique Geek CNX. Et là, on a les nouvelles d'hier lundi, dimanche, samedi, vendredi, jeudi à faire. Donc, un petit résumé des 5 derniers jours, je pense. C'est bien ça? Ouais. De nouvelles. Tout à l'heure. On va parler, entre autres, de nouvelles avancées technologiques. Qui n'ont même pas rapport avec vraiment le présent, mais plus le futur. Hein? C'est comme des nouvelles du futur. Genre. Mais c'est quoi, une tarte? Non? Comment? Une tarte à la citrouille. Ça va être dans cet film. Je vous fais une tarte à la citrouille avec des restants d'Halloween. Tu comprends-tu? Ouais. C'est un peu ça que tu fais avec des vieilles citrouilles, des vieilles affaires. T'sais, après l'Halloween, des fois, tu manges peut-être une tarte aux citrouilles, des restants. Ouais, c'est ça. Mais idéalement, en fait, tu l'as déjà vidé, là, ta citrouille. Ben, j'espère. Mais la tarte à la citrouille, peut-être que tu as envie de la manger. Elle est encore bonne. Ouais, elle est encore bonne. Ben oui. Les restants. Ça va être dans cet effet. Mais dans Cénix, il va y avoir un verre anti-reflet, une nouvelle sorte de vitre anti-reflet. Donc, si mettons, tu as une vitre en avant d'un spot de lumière, t'sais. Le spot n'aura pas de reflet dans la vitre. C'est une nouvelle technologie. On en parle tantôt. Super, hein? Super. Ouais. C'est le plan pour aujourd'hui. Mais on débute avec Mother Mother. Voici Baby Don't Dance. Ah, c'est fou. 89 FM. Mother, Mother et Baby Don't Dance à Assemblage Requis sur C'est Fou. Maintenant, on parle du Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Oui, comme à toutes les deux semaines, c'est le moment de faire le survol du plus récent numéro du journal Zone Campus. Celui-là est en kiosque du 31 octobre au 13 novembre 2011. C'est le numéro 5 de la session. Et en couverture, on retrouve le pavillon à la vie étudiante. On nous dit que c'est parti. C'était une priorité des exécutifs de l'AGE depuis 2007. Ça avance enfin. Il y a eu une entente avec le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Oui, si tout va bien, en fait, la construction devrait débuter cet été. Oui, on dit la première pelletée. La première pelletée, oui. Pelletée. Un pavillon de la vie. Hey, ce serait pas pire de faire une chanson. Donc, sinon, dans quel ordre est-ce qu'on va d'habitude? C'est. T'es où, là? T'es où? Okay, c'est toi qui commence par les actualités. Commence par les actualités. Ok, bon, merveilleux. Non, c'est moi qui commence avec ça. T'es donc bien mêlé, maintenant. Je veux me rendre avec les sports. Je veux que ce soit toi qui fasses les sports. Vas-y, si je vais faire les sports. Si un jour je tombe les sports, François, je tombe à terre. Vas-y. Bon, ok. Commençons donc avec les actualités. Chiant, j'aime ça faire ça. On revient sur la Tribune libre avec Jean-Martin Hossan. La souveraineté du Québec était à l'avant-plan pour cette rencontre. Ensuite, on parle évidemment du Tim Hortons qui s'installe à l'UQTR. Timoton, on se demandait, François et moi, si c'était ouvert depuis hier, parce qu'on n'est pas allé hier. C'est aujourd'hui environ la date qui disait, c'était le 1er novembre. Oui, c'est ça exactement. Leur date qu'ils avaient choisie, on ne sait pas si... mais quand même, on revient là-dessus. Il y a aussi Simon Fédibé qui signe un éditorial à ce sujet-là, qui est assez percutant. Ouais, et qui est bien fait, je l'ai lu. Oui, c'est très bon comme texte. Il se partage très bien sur Facebook aussi. Ouais. Via le blog, c'est... Ah ouais, il y a des commentaires, là. Tout à fait. On parle d'acquisition de voitures, de véhicules écologiques pour le QTR qui est encore plus verte. Alors que chaque côté dans l'éditorial de Simon Fédibé, ça dit « L'université est verte, pas sûr. » Genre, c'est mal fait. Ensuite, on parle de la rencontre avec les candidats au rectorat. Donc, une petite un genre de résumé biographique des deux candidats au rectorat de l'UQTR. On va dire dans l'article qu'ils vont décider qui est le recteur ou la rectrice qui va prendre le poste en 2012. Donc, c'est sûr qu'on va avoir quelqu'un de nouveau. Voilà pour les actualités, François. Formidable. Merci, Mathieu. On va parler maintenant à société. Et oui, Marie-Andrée Gauthier nous aborde un sujet assez osé ce matin. Elle nous parle du clitoris. Ah! C'est dit. C'est dit, voilà. C'est un terme médical, on a le droit. Oh, oui, exactement. Non, c'est bien fait, par exemple, pour l'avoir lu. C'est quand même bien fait. Oui, moi aussi. Et ça a l'air que c'est important. Autant que... c'est ça. Mais pas dans le même genre que... Non, c'est très bien expliqué. Vraiment. Lisez-le. Lisez ça. Ouais. Exactement. Même si vous n'avez pas un, des fois, ça peut vous éclairer. C'est ça. Si vous en avez deux aussi, vous pouvez le... Oh, tout à fait. Il y en a deux ou trois. Ça arrive, deux. Tu vas voir des drôles de choses sur Internet, Mathieu. À la télé, mais Au TVA Nouvelles. Ben, c'est ça. C'est ça, TVA, ma source d'information. Hey, Jean-François Veilleux aussi nous parle, en fait, des 10 raisons d'appuyer la grève générale illimitée contre la hausse des frais de scolarité. Et c'est bien fait, ça aussi. Donc, 10 bonnes raisons pour militer contre. Évidemment, on retrouve aussi le fantasque et les jeux. Les beaux petits jeux. Les beaux petits jeux, très plaisants. En arrêt spectacle maintenant, François, merci en passant pour les sociétés. Aïe, ça fait plaisir. Le retour du duel bleu versus orange de la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières, la Luitre, on en parle. On revient sur les soirées open mic du Zénob. Du Zénob, qui a de l'air à très bien fonctionner d'ailleurs. Tout à fait. J'ai entendu dire qu'un des groupes, je sais pas s'il est rendu avec juste un groupe, mais Sébastien Duluth participait à cette soirée-là. Oui, il y a beaucoup de monde, en fait, dans la région qui participe à ça. Et puis, d'ailleurs, ils font un CD. Hein? Ah, le volume 1? Oui, j'ai vu ça. Le coût d'entrée est de seulement 3$ si on achète le volume 1 de l'album Open Mic. Donc, ça va être de retour tous les premiers mercredis de chaque mois dès 21h au Zénob. C'est ça, exactement. Et l'argent sert à l'autofinancement pour un prochain album. Ah, pour le volume 2? Oui, exactement. Et le coût est de 10$. Excellent. On parle de l'exposition Fil Rouge, le rouge dans tous ses états, dont on a parlé ici même à Assemblage Requis il y a quelques semaines. Oui, exactement. Il y a une dame, en fait, qui était venue nous parler de tout ça. Et ça va avoir lieu jusqu'au 20 novembre prochain au Centre des arts de Shawinigan. Une exposition conçue par Fil Rouge, un regroupement d'artistes en arts visuels qui comprend, entre autres, des gens de l'université. Ouais. On parle du slameur français Grand Corps Malade qui était en spectacle le 19 octobre dernier. Donc, petit résumé de ça. Le nouvel album de Marc Derry. Qu'on en fait jouer ici. On en fait jouer, c'est sur le palmarès. Même que si je me trompe pas, c'est pas mal en haut du palmarès. Ouais. Il y a la chronique « Va voir ailleurs, j'y suis » de Sébastien Duluth, qu'on va d'ailleurs entendre un petit peu plus tard dans l'émission d'aujourd'hui à 8h30. Le titre, c'est « La musique adoucit les meurtres ». Il parle des chansons poches d'hymnes local, tu sais, les chansons genre pour Latuc et Bon, c'est un genre. Ouais, c'est très bien. Je pense pas qu'il aime ça. Hein? Je pense pas qu'il aime ça. Non, je pense vraiment pas, en fait. Vous le saurez un peu plus tard, mais... Juste un extrait. « Jamais le mot passion ne pourra convenir pour décrire la simple et vulgaire satisfaction d'avoir créé un produit médiocre pour contenter les masses. » C'est juste une phrase dans son article. C'est très, très bon. Ouais. L'exposition Memento Mori, des étudiants au programme des arts, L'Appart. Memento Mori qui est présenté hier, 31 octobre, c'était quand? C'est hier. C'est l'Halloween. L'Halloween. Voilà pour les arts et spectacles. Formidable, merci Mathieu. Et si on parlait... Avec plaisir, François, à chaque section, on va se remercier. On se remercie pour les bons services qu'on accomplit. T'es en train de me sacrer dehors, toi, là? Non, non. OK. Je te remercie de tes services. Ouais, dit comme ça, hein? Ouais, c'est louche. Ouais. Hey, je te parle sport. Hey, merci, j'ai hâte. Ben oui, c'est ça, hein? qu'est-ce qui se passe au sport, Mathieu? Du hockey. Ouais, exactement. Du cross-country, ça, aussi? Non, on parle soccer. Oh! Oui. C'est vrai, on finit avec le hockey, hein, parce que le journal pour les sportifs, ça se lit par la fin. Par la fin, c'est très important, le hockey. Et puis, voilà, on parle de soccer masculin et soccer féminin. Soccer féminin, en fait, les Patriotes luttent pour une place dans les séries éliminatoires. Bravo. Et comme Nicolas Ducharme nous disait hier, en fait, à cause la mise sous sanction de certaines équipes dues à des joueurs qui n'avaient pas le droit de participer, mm-hmm. Les Patriotes soccer vont faire les séries quand même. OK, donc par c'est... la porte dans l'arrière. C'est ça, hein? Pas par défaut, presque. Pas, ben oui, par défaut. Ça, hein? Ouais, exactement. Et puis, on parle évidemment hockey où ce qu'on fait mention du nouveau recruteur. Mm-hmm. On parle de natation aussi. Une compétition à oublier, je pense, ça a pas bien été. Non. Ça a pas bien été. Il y a Maxime Bilodeau, d'ailleurs, qui fait une chronique très intéressante du sport de haut niveau. On parle du sport olympique aussi. On parle aussi de la face cachée des athlètes. Oui. C'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile. En fait, ce qu'on voit souvent, c'est plus les beaux moments. Mais il y en a d'autres moins beaux. Maxime Bilodeau qui signe des très bons textes sur le sport, même si le sport m'intéresse que dalle, comme ça paraît peut-être. Que dalle! J'aime bien ses textes quand même, c'est bien écrit, c'est bien fait. Oui, c'est très bien fait. Mais il n'est pas dans chaque numéro, il faut le chercher. Ouais, exactement. On parle de natation, la Pierre Lemire sur la scène internationale, d'ailleurs, qui a gagné une médaille. Elle est vraiment bonne. Hein? Une médaille. Tout le temps là, même. Tout le temps partout dans le journal parce qu'elle est super bonne. Hein, elle se rend à plein d'endroits. Puis elle est jolie. Oui, aussi. La photo est ça grosse. Ça vaut la peine pour la photo. Bon, là, c'est un petit peu, je trouve, déplacé de parler juste de son physique. François, mais non, mais non, là, mais non. Hein, non société mais... patriarcale. Oh, arrête donc. Ouais. C'est agréable, c'est tout. on parle évidemment les Patriotes qui occupent la première position du classement en battant McGill. On parle ici du hockey, bien évidemment. Et de l'aréna Jérôme Côte-Noire. Oui, je suis à côté de chez nous, c'est en haut de la côte à Trois-Rivières-Ouest. Oui, ça va accueillir les Patriotes 7-16. Oui, parce que moi, tu sais, étant fanatique de sport, que là, etc., je me rache même pas qu'il n'y a pas de patinoire au camp. Pour vrai? Ben oui, j'ai demandé à la rédactrice en chef, coudonc, tu sais, c'est quoi, il joue où d'habitude? Ici au Colisée. Ben, au Colisée, c'est tout. Ouais. Ça, c'est Jérôme Côte-Noire en plus. Mais je sais pas pourquoi, hein, le nom Jérôme Côte-Noire. Pour comment le prononcer, premièrement, moi, de ma part, c'était ça ma question. Côte-Noire, Côte-Noire, Côte-Noire, j'ai aucune idée. Côte-Noire. Côte-Noire. Ouais. Les Côte-Noires. Je sais pas. Non, mais c'est qui, lui? C'est même pas... je le connais pas. Mais en tout cas, il y a un trait d'union en son nom, donc on peut s'attendre qu'il soit mort. Je pense qu'il est mort. Oui, c'est sûr. Désolé de te l'apprendre comme ça à la radio, François. Bon, pas de peine à maintenant. Non, mais je comprends pas, par contre, là, éditorial, puis tu sais, je connais que dalle là-dedans, je le répète trois fois, mais c'est à peu près ça. Comment ça se fait que le sport le plus vu à l'université, le plus populaire, le plus apprécié, apparemment, je regarde ça de loin, moi, là, évidemment. Mm-hmm. Que dalle. Bon. Comment ça fait qu'on n'a pas de patinoire au CAPS? Bonne question. Trop cher? Ouais, bonne question. En fait, ils parlaient peut-être d'en faire une. Parce que tous les autres sports ont leur terrain. Ouais, non, c'est ça, exactement. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est trop cher. Et je pense que c'est plus au niveau du partage des coûts avec, avec la ville ici de Trois-Rivières. Car la ville, je pense qu'elle reste propriétaire des arénas. Ah, du coup, ça a l'air d'être compliqué. Ça a l'air d'être compliqué. Bon, j'imagine que c'est une question qui a été posée maintes et maintes fois. Bon, ouais, c'est ça, exactement. Mais je la pose pareil parce qu'il y en a sûrement que ça la demande. Bon, ouais. Voilà pour le tour du journal Zone Campus. Beau petit survol de cette édition du 31 octobre au 13 novembre 2011. Allez voir sur zonecampus.ca pour le blog, pour pouvoir partager des articles. La plupart des articles du journal sont partageables. Oui. Partageable. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est très très bien. Sur zonecampus.ca, allez-y, likez-moi ça dans ta face, toi. Yes, sir. Ça, c'est le nom de la chronique de Simon Fitzbury, hein? En pleine face. En pleine face. J'aime ça. Les mangeux de bang. Il est vraiment bon, Simon. Voilà. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui, hein? Je sais pas. D'autres choses sûrement, mais quand même, ce sera pas aussi bon. Ouais, pas aussi bon. Alors, on va entendre Papa Folle, un nouvel extrait du palmarès francophone. Papa Folle. Propa Folle. Je l'ai dit comme faux, puis là, tu me dis. Ah, j'ai compris Papa Folle. Non, j'ai dit Propa Folle. J'arrête pas de dire Profolol sans faire exprès. Ouais. C'est comme une sorte de fromage, là. Ouais, je sais. Mozzarella, c'est ma. Mais. Propa Folle. C'est propre. Papa Folle. Ouais. 89 FM, c'est assemblage requis. Mozzarella, c'est ma. Du fromage. Non, t'as pas le fromage. Linguini. Linguini. Pas du fromage, c'est des pâtes. La bouche sèche et les doigts sur la table. yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion, man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rape yourself, take all the courage you have left. Wasted on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man, you know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Matinale en pièces détachées, Assemblage requis. Oui, vous êtes toujours à cette émission qu'on appelle Assemblage requis parce que c'est son nom. Tout à fait. Tu sais? Hey, tu m'enlèves les mots de la bouche. Ben, c'est ça. C'est comme ça. Je t'enlève d'autres choses de la bouche? Non. Voici la chronique Geek CNX. Et aujourd'hui, ça va encore plus mal faire une chronique CNX parce que là, début de mal de gorge, oh! Lire des longs textes, ça sent la grippe, ça ne va pas s'en, mais on va essayer de faire avec. Hein? Non, oh, t'as pas joué. Non, c'est ça. Ben, ça va pas jouer, il va falloir jouer ce match. Commençons avec des nouvelles de l'actualité du futur.

entendre PDF Format avec Hair Cute dans la chronique Cynix sur Assemblage Requis. C'est fou, évidemment. C'est la fin de la première heure. On se retrouve tantôt. Je pense pas qu'on va voir Steph, malheureusement. Non, petit problème technique ici, là. On va essayer, mais je garantis vraiment pas qu'on va réussir à se rendre jusqu'à notre but de faire une chronique avant son cours ce matin. C'est bon. Pas grave, on se reprendra cette semaine. Ouais, un autre jour. Alors, on va prendre une petite pause pour l'instant, aller entendre l'Info Campus, et puis on revient avec d'autres bons contenus à Assemblage Requis. Restez avec nous. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 De retour à Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François Olivier. Il reste encore une heure ensemble dans cette belle petite émission. On va voir la chronique de Sébastien Dulude tantôt. Oui, ça, c'est plus sûr. Suis, ben, ça, c'est sûr. On l'a. En tout cas, j'espère. Ça irait mal si on l'avait pas. Ça irait pas bien, matin. Stéphanie, encore des chances que ça fonctionne. On espère toujours. On espère. Sinon, ça ira un autre jour. Puis c'est pas grave, on n'en parlera plus. T'sais. Ah, exactement. On va commencer pour cette deuxième heure par Peter Peter. Voici Rien ne nous rassemble. 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien affectionne, qui jamais ne téléphone. Toi le loser, toi le The Bad in Each Other de Feist sur l'album Metals à Assemblage Requis. J'aime bien ça. Ben oui, je savais que t'aimerais ça, c'est pour ça que je t'en ai fait jouer. Ouais. Je suis fin, hein. Ben oui. Tu me le dis jamais. Jamais que je suis fin. Je ne dis plus jamais de compliments. Donc, c'est un fait. C'est fatiguant, les filles. C'est un fait. Plus jamais de fesses, ça fait comme super longtemps qu'on n'a pas parlé de fesses. On fait des fesses. On discute plus de fesses. Hey, est-ce que tu nous parles des fesses d'Halloween? Oui. Oui. Formidable. Ouais. Allez, allez, mon petit vampire. Je commence. Merci, ma petite. Mon petit vélo au vent. Donc, à la place de faire du trick or treating, tu connais trick or treat aux États-Unis? C'est trick or treat, c'est quoi? C'est. Truc aux trouilles, je sais pas quoi. Des bonbons ou des. C'est quoi? Les Écossais. Scotland, ouais. C'est les Écossais, l'Écosse. C'est ça? Bien ça? Ouais. Eux, ils font du guising. Donc, ils se déguisent et ils doivent performer soit une chanson, une blague ou un talent, montrer leur talent. Un peu comme dans America's Got Talent. Là. Ils n'ont pas le choix pour avoir des bonbons. Tu te fais buzzer par Piers Morgan ou Howie Mandel. Bien placé pour juger le monde avec la tête de chaude de même. Non, c'est pas vrai. Génial. Mais, c'est une blague. Prends pas ça de même, Howie. Howie, je t'aime, Howie. Ouais. Si tu veux serrer la main, il faut qu'il donne un coup de coude. Il y a des phobies de germes, c'est ça. Donc, c'est les Écossais. Voilà. Ensuite, les bonbons d'Halloween, en moyenne, on vend pour 2 milliards de dollars de bonbons seulement aux États-Unis par année. 2 milliards de dollars de bonbons par année. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Les barres de chocolat sont au sommet de la liste des bonbons les plus populaires. Ça, je pense que c'est pas très, très surprenant, mais... Ben, vois-tu, moi, j'aurais dit de la gomme. Ah, OK. Ou peut-être. Des suçons. Des suçons? Ouais, les suçons, en fait, c'est pas cher. Des jujubes? Ouais. Des jujubes, c'est bon. Ouais, aussi. Mais les jujubes, c'est cher, tu sais. Ah, c'est ça, t'es cheap, pas mal. Non, mais... ouais. Ouais, bon, je l'admets. Devine la barre de chocolat numéro 1 en termes de popularité. Je sais pas, Smarties. Non, une barre de chocolat, une barre de chocolat. Une tablette. Ouais, des petites crottes de bonbons. Je sais pas. Des Snickers. Oh. Number one. Snickers, ouais. Ici, c'est quand même rare. Non, moi j'adore ça, les Snickers. Non, j'aime ça. J'aime ça. Pour les enfants. C'est pas. J'avoue. Sinon, les jack-o'-lanterns, tu sais, les citrouilles qu'on met une lumière dedans, là. On appelle ça en anglais les jack-o'-lanterns. Leur origine, c'est en Irlande, où les gens plaçaient des chandelles dans des navets vidés. Ah ouais? C'est de là que ça vient. Ouais, c'est de là que ça vient. Pour empêcher les esprits et les fantômes de venir vers eux pendant la fête qu'on appelait la Samhain. Et parlant de Samhain, c'est le nom qu'on donne à la peur de l'Halloween, la Samhainophobie. Samhainophobie, c'est une intense... Oui, intense et persistante peur de l'Halloween, et ça peut causer des attaques de panique chez les gens qui en souffrent. Le mot est dérivé de la vieille du vieux festival du Samhain pour les Celtes qu'on appelle. Les Celtes? Celtics, en tout cas, bref, tu connais ça. Eux qui croyaient que les fantômes des gens morts revenaient sur Terre lors de ce jour de la Samhain, le festival de la Samhain. D'autres peurs reliées à l'Halloween, il y a la Wiccaphobie. Devine ce que c'est la Wiccaphobie. Wicca. Ah, les sorcières. Les sorcières, exactement. Et la phasmophobie. Phasmo? Pense à fantôme. Fantôme. La peur des fantômes. J'en sais deux. Mais quand même. Et la coïmétrophobie. Coïmétro. Coït dans le métro, non. Je sais pas. Ça. Des pièces dans le métro, non, pas tout. C'est la peur des cimetières. Ah. Coïmétrophobie. Eh bien. Voilà. C'est pour ça. Ensuite, dernier fait sur l'Halloween. Avant-dernier fait. Coudonc, j'en ai donc ben des faits. Ça n'a pas d'allure. Il m'en reste plein. Je pensais qu'il ne m'en restait plus. Des victimes de suicide se sont fait prendre pour des décorations d'Halloween. C'est déjà arrivé. Vous avez peut-être déjà entendu la légende urbaine de personnes qui se pendaient de branches d'arbres et personne n'y remarquait parce que ils pensaient que c'était des décorations d'Halloween. Ça a été d'ailleurs la scène d'ouverture dans le premier film Frisson, Scream. Tu te rappelles, non? Oui. Première scène, c'est ça. Mais, Mathieu? Oui? Est-ce que je peux te parler de quelque chose? Vas-y, parle-moi. Au Missouri, cette année, en fait, il y a une femme qui s'est suicidée, entre guillemets, dans une maison hantée. Attends un petit peu, là. J'essaie juste de remettre la main là-dessus. J'ai été le voir hier. Bon, je l'ai. Une jeune femme retrouvée pendue dans une maison hantée. Et ça se passe au Missouri. Ça se déroule, en fait, ça s'est déroulé le 29 ou le 30 octobre, la date précise. Plus dur à trouver. C'est les visiteurs d'une maison hantée de Fenton dans l'état du Missouri ont bien vu le corps d'une adolescente pendue jeudi soir, mais ils étaient loin de se douter qu'elle ne jouait pas la comédie. Mmh. Les clients pensaient que la jeune femme de 17 ans était une simple actrice avec une corde autour du cou. Une actrice avec une corde autour du cou. C'est assez perplexe. Il semble qu'elle était debout sur le rebord d'une baignoire pour une raison encore mystérieuse. Elle avait mis sa tête dans un eau coulant et on suppose qu'elle a glissé par inadvertance. Ah. A expliqué la police du comté. Elle était inconsciente lorsque les secours sont arrivés. Elle était toujours dans un état critique dimanche, selon les autorités. Incroyable. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Quand j'ai vu ça, là, c'était quoi? Dérangeant un peu. Ouais? Merci François pour ça. Mais c'est un fait. C'est un fait, oui. Ça, pour être un fait, c'est un fait. Donc, on parlait de victimes d'Halloween, de victimes de suicide. Ben, on dit victime de suicide, victime de ton propre suicide. Est-ce que t'es vraiment victime dans ce cas-là? T'es criminel et victime? Là, en fait, moi, je considère ça comme une victime dans le sens où t'as quand même glissé sur dans ce cas-ci, oui. Ouais, c'est ça, dans ce cas-ci. Mais sinon, ça dépend. Là. En fait, il y a un gros débat. Est-ce que les gens sont courageux ou ils sont lâches? Ça pour un suicide. C'est courageux. Il y en a. T'es suicidé? Il y en a. Il y en a qui voient ça comme ça. Félicitations, mon pote, bravo! Non, mais il y en a qui... T'sais, c'est vraiment bizarre en même temps. J'ai jamais entendu ça, comme... Non, t'as jamais entendu un héros? Pas nécessairement un héros, mais quelqu'un qui a été courageux qui l'a fait, tu sais. Genre parce que les autres sont vraiment paresseux de pas se rendre jusque-là. Là, je dis ça, mais tu sais... appelez-moi pas, je suis pas d'accord avec ça, mais tu sais... Envoyez pas de lettres à... C'est fou, Université du Québec à Trois-Rivières au soin de François-Louis Marchand. Non, s'il vous plaît. DG, c'est fou, @sucuter.ca. Non, envoyez rien à cette adresse-là, ça fonctionne pas. Ça va tout dans ce moment. Non, mais tu sais, en fait, tu comprends le... Ouais, je comprends l'idée. L'espèce d'ambiguïté qui... Je suis juste pas d'accord. Okay. Revenons sur nos pas à l'histoire des gens qui se font prendre pour des décorations d'Halloween. Qui est ça? Il y a deux cas documentés, autre que celui que tu viens de me nommer là, qui est le troisième. Deux cas documentés, OK? Le corps d'une femme de 42 ans qui a été affiché ou montré pendant des heures dans le Delaware parce que les gens pensaient que c'était un genre de truc pour l'Halloween. Elle s'est pendue à 15 pieds du sol, près d'une route très occupée, très passagère. Il y avait plein de gens qui passaient par là, plein de véhicules. Elle a été remarquée à 19h30 alors que la police n'a pas enquêté avant 23h le soir. Un autre cas, en Californie, une femme de 75 ans qui était assise sur son balcon pendant 3 jours. Oui, 3 jours sur son balcon parce que ses voisins pensaient qu'elle était, encore une fois, un truc d'Halloween affiché, là. Elle s'était, attention pour cœur sensible, là, elle s'était tirée dans l'œil. Coup de fusil dans l'œil. Pendant 3 jours sur son balcon. Oh. Ça, c'est pas... C'est... Ouais. En tout cas, la cour a dit que c'était un suicide apparent. OK. Ouais, allons-y avec quelque chose d'un petit peu moins dommage, là. 90% des citrouilles aux États-Unis sont produites à l'intérieur d'une circonférence. Dans le fond, dans un cercle de 0,3% des États-Unis. 90% des citrouilles dans 0,3% des États-Unis. OK. Ils poussent tout à la même place. C'est ça. Selon l'Université de l'Illinois, 90% des citrouilles des États-Unis sont produites à l'intérieur de 90 000 de Peoria, en Illinois. Le radius, dans le fond, de cette place-là est 0,3% de la surface totale des États-Unis. Certaines sont utilisées pour être vidées, pour faire des citrouilles à montrer sur un balcon à côté d'une dame qui s'est tirée en face. Et les autres sont faites en purée ou encore de la tarte, du mélange à tarte. On dit que la capitale du monde, la capitale de la citrouille, est à Morton, en Illinois, une ville près de Peoria, qui est, dans le fond, la plus grande usine de citrouilles. Et ils mettent en canne 85% des citrouilles du monde à chaque année. Les citrouilles du monde, disent l'article, 85% des citrouilles du monde sont mises en canne à Morton, en Illinois, près de Peoria. Formidable. J'ai entendu aussi aux nouvelles que les citrouilles ici au Québec se sont très, très bien vendues. En fait, il n'y en restait plus nulle part. Est-ce que c'est des citrouilles québécoises? On ne sait pas. Hein? Oh, oui. Ouais. En fait, il parlait d'un producteur ici au Québec qui avait fait la pièce. C'est merveilleux. Tant mieux pour lui. Ben, tu trouves une bonne idée comme faire pousser des citrouilles. Même. Tant mieux pour toi. Le costume d'Halloween le plus googlé cette année, devine, c'est quoi? Pirate. Non, quelque chose de quand même plus original. Un peu, là, mais pas tant. Jeu vidéo... Mario? Non. iPhone? Ah, Angry Birds. Angry Birds, exactement. Le costume le plus googlé sur Internet. On ne sait pas si c'est le plus vendu, mais le plus cherché, c'est Angry Birds. Selon la National Retail Federation, les Américains dépensent 310 millions de dollars sur des costumes pour leur animal de compagnie à l'Halloween. Ça, c'est atroce, là. Ça, sérieux. 310 millions? Non, mais ça me dépasse. Voyons donc, 310 millions. J'en reviens pas. Tu sais, je peux comprendre. Mettons, tu sais, j'ai vu une photo d'une de mes amies, une de nos collègues, Marie-Noël Marino, tu la connais? Oui. Qui a déguisé son enfant qui vient de naître il y a quelques semaines, déguisé en coccinelle. C'est cute, ça. Ça, c'est ouais. Cute. C'est vraiment le fun. Un animal de compagnie, 310 millions de dollars pour ça. Ça veut dire que tu payes ton costume cher quand même là, pour ton animal. C'est fou, là. Qui aime pas ça, ton animal. On s'entend qu'il aime pas ça, là. Ben là, un costume pour ton animal. Pas sûr de ça, là. Pas sûr. Je sais pas non plus. Voilà qui vient clore la portion Halloween de la collecte C'est un fait, mais il m'en reste quelques autres. Si t'as envie de continuer. Oui, oui, continuons. Continuons. Je sais pas si t'as entendu parler de la nouvelle. Hier, je crois que c'est sorti le 7 milliardième bébé du monde. T'as-tu entendu ça? Ouais. 7e milliard, ouais. 7 milliards de bébés. Il y a comme trois pays qui réclamaient la naissance du bébé. Moi aussi, j'ai vu plein d'articles là-dessus. Le fait n'est pas là-dessus. Par contre, pour dire plus que... Non, c'est dans le même genre, mais c'est pas ça. C'est que c'est sûrement pas vrai. Parce que les trois pays se battent pour rien. Okay. Sais-tu pourquoi? Parce que la division population des Nations Unies, la United Nations Population Division, dit qu'il y a une marge d'erreur sur le 7 milliards de personnes. Devine de combien la marge d'erreur? Tu sais, un sondage crop, mettons, t'as 3% d'erreur. Ouais. 12 mois. OK, OK. La marge d'erreur, c'est ce calcul. OK, OK. Un an que le 7 milliardième va arriver. Fait que battez-vous pour n'importe quoi parce qu'il n'y a personne qui peut déterminer ça. Ou, au contraire, c'est déjà arrivé. Depuis longtemps, ouais, depuis 12 mois peut-être. On sait pas. 12 mois de marge d'erreur. Hey, mais ça commence à faire du monde. Hein? Ouais, c'est beaucoup, beaucoup trop. Ça commence à faire des auditeurs. Hein? C'est fou. Oui, le potentiel. C'est un potentiel. Ben, c'est le web, on est international. International Worldwide Federation. Ouais. World Wrestling Federation. 12 mois, je trouve ça vraiment énorme comme marge d'erreur. Une seule cellule humaine. Cellule humaine. L'humain a des cellules. Il va les mettre dans ses feuilles. Marilyn. Contient assez d'instructions d'ADN. D'accord? Pour remplir 1000 pages, 1000 livres, pardon, de 600 pages chaque. L'ADN d'un être humain, là. Les instructions de l'ADN dans une seule cellule humaine. Une seule cellule. C'est fou, hein? Il y a une cellule là-dedans. Allez, c'est beaucoup. Selon Pipi, tu te rappelles Pipi? C'est Fifi Brin d'Acier en français. Belle traduction en passant, merci de l'avoir changé. Fifi Brin d'Acier, son vrai nom, selon elle-même, le personnage dans les livres. Selon elle-même. Ben, c'est ça. Selon la personne qui a écrit les livres de Pippi Longstocking, en anglais, Pippi Longstocking, c'est Pippi Lotta, Delicatessa, Window Shade, Mackerel Mint, Ephraim's Daughter, Longstocking. Ephraim's Daughter, c'est la fille d'Ephraim, là. Fait qu'en français, je sais pas si c'est Fifi Lotta à la place de Pippi Lotta, puis le reste, c'est pareil, je pense. Pippi Lotta. Pippi Lotta! Oh, boy, boy. Hey, boy, boy, boy. Il reste encore 8 équipes de baseball, de la Major League Baseball, là, qui n'ont jamais gagné les séries mondiales. Est-ce que tu veux en deviner? Les expos sont plus là. Non, c'est ça. Vas-y dans les équipes qui sont encore là. Puis peut-être que, je sais pas, c'est comment qui s'appellent les expos, ça? Les Nationals, ça sont là. Ils sont peut-être dans le 8. Ouais, ça c'est sûr que oui. C'est ça. Sinon, écoute, je sais pas, que jamais gagné, je dirais peut-être... juste une. Mettons. Les Rocheuses! Les Aces d'Oakland, non? Non, les Rockies. Ah, le Colorado. Ouais, les Rangers. Texas, les qui ont passé très proche, hein, qui étaient en finale d'ailleurs contre les Cards cette année. Tout bas. Ouais. Les Padres. OK, le San Diego. Les Rays. D'Oakland. Non, les Rays de... Les Rays de quoi? Les Rays, là. Ouais. Les Raisin Bran. Les Raisin Bran. Les Nationals, tu l'as dit. Les Astros. Ah, de Houston. Les Brewers. Milwaukee. Et les Mariners. De Seattle. T'es très, très bon. À part les Rays, là, t'es très, très bon. Ouais, les Rays, Tampa Bay. T'es sûr? Ah, c'est plus. Oui, les Tampa Bay Rays, t'as bien raison. Bravo François, t'as tout eu! Wouhou! Félicitations. Toujours en termes de baseball, savais-tu que certains joueurs de la Major League Baseball pissent sur leurs mains pour améliorer leur grip? J'utilise des termes super... Non. Je te jure. Et comment tu prononces, juste en parenthèse, on va fermer les micros en rond, comment tu prononces Moïse Alou? Moïse Alou. Moïse Alou. Ouais. Donc Moïse Alou et Jorge Posada. Moïse Alou, qui a joué pour les Expos, tu sais? Oui, je savais ça. Ouais. C'est clair. Je savais comment le prononcer, fait que je devais savoir comment. Et son père, Philippe Alou, coachait. Oui. En 94. Puis son chien, Scooby-Doo Alou. Non, lui, on n'a jamais entendu. Plus jamais. Donc, Moïse Alou et Jorge Posada ont quelque chose en commun, malgré le fait que la plupart des joueurs portent un gant pour jouer au baseball. Eux, non. On pourrait croire que c'est un désavantage, mais dans le fond, parce que ça réduirait le grip qu'ils pourraient avoir sur leur batte de baseball ou sur leur balle. Mais la façon qu'ils réussissent à s'agripper quand même, c'est de faire pipi sur leurs mains. Moïse Alou, qui a eu au-dessus de 300 coups de circuit et qui a été sélectionné All-Star 6 fois pendant sa carrière de 17 ans. Et là, je traduis ça à la volée, j'ai aucune idée ce que ça veut dire, mais quand même. Slate a fait sa petite recherche sur le sujet du faire pipi sur les mains. Ils disent que ça pourrait en fait rendre les mains plus glissantes, selon la recherche de Slate. Mais Slate, est-ce qu'ils ont joué au baseball pour l'essayer? Non. Non. Fait que, si tu veux faire une recherche, mets-la... En même temps, c'est complètement stupide, sérieux, va pas... Je m'excuse, va pas t'uriner sur les mains, mets de la résine, mets de quoi, de collant? Mais tu sais, dans les sports, ils sont très très superstitieux. Oh, ouais, ouais, quelqu'un a fait ça à un moment donné, puis là, soudainement, ben, Krim, lui, il a fait 300 coups de circuit. Moisi Alou, là. Scooby-Doo Alou, là. Ouais. Peut-être que ça marche, l'affaire. C'est vraiment, comme tu dis, ça devient vraiment une tradition. C'est ça, c'est juste ça. C'est comme ça, frapper ses casques, puis n'importe quelle affaire. Sais-tu que tu peux faire de la crème glacée à la banane en utilisant seulement... Une banane? Une banane. C'est oui. C'est ça. Ben, j'en ai fait en fin de semaine. C'était-tu bon? Non. Non? Pas bon? Il manque des ingrédients. Bon, OK. On va c'est quoi? On va l'expliquer pour ceux qui ne savent pas. Ben, en fait, il manque pas d'ingrédients parce qu'il n'y en a pas d'ingrédients, c'est une banane. François, oui, hein? Me semblait aussi. T'es-tu drôle, toi? Tu vois que je te parlerai d'une recette de base de banane, pas de crème glacée? Non. Voyons donc. C'était qui que j'imitais, là? C'est pour. Jean-François Mercier, je pense. Le petit Jérémy. C'était raté, mais quand même. Oui, le petit Jérémy. Si tu fais congeler une banane dans le congélateur, tu la passes dans le blender ou encore dans un malaxeur, là. Congélateur, dans le congélateur, tu la mets dans le congélateur avant, après ça, dans le blender. Ou tu mets ton blender dans le congélateur, c'est ça, là. Ouais, tu peux le faire. Ça prend une forme et une consistance presque pareille à la crème glacée. Ils l'ont essayé dans les bureaux du site où j'ai pris ce fait-là, là, sur Internet, là, évidemment. Et c'était très crémeux, ça goûtait super bon. Très crémeux, très bon, très crémeux. Ouais. C'est vraiment, en tout cas. Et ça n'a aucun arrière-goût. Il faut juste que les bananes soient exactement assez mûres, c'est ça. Très mûres ou... Ça dit juste assez mûr. Bon, ben. Fait que faites des tests puis arrangez-vous. Bon. Moi, j'attendrai vraiment que ça soit mûr. Ça dit pas la couleur, ça dit pas le RGB ou le CMYK de ta couleur de banane. Est-ce qu'il nous en reste assez? On en fait. Ouais, une dernière. Une dernière, ok. Je te laisse le choix, on fera le reste demain, ok? T'as le choix entre les homards qui étaient avant la nourriture des esclaves. Ok. Avant d'être une nourriture luxueuse. Une femme vietnamienne qui a vieilli de 50 ans en quelques jours. Le fait qu'aux États-Unis, tu peux être trop intelligent pour être un policier. Une chanson de radio, une chanson qui a été enlevée de la radio parce qu'elle était trop populaire et ils voulaient pas que les gens se tannent. T'as le choix de tout ça. Vas-y donc, la police? Trop la intelligent? Police. C'est bizarre. Très bien. En 1999, un juge fédéral a rejeté une poursuite entre Robert Jordan, qui était un homme bachelier en littérature, et la police de New London. Jordan a été rejeté de la police parce qu'il a été testé trop élevé. Selon les tests d'aptitude du département policier, Jordan voyait ça comme une sorte de discrimination. Il a poursuivi en disant qu'il était rejeté parce qu'il était trop intelligent et que c'était pareil comme être rejeté pour avoir une autre religion, mettons. Et qu'il a gagné? Il a rejeté cette plainte-là. Continuons donc avec l'article. Jordan dit que quand il a demandé à la personne en charge, d'engager des gens, pourquoi il s'était fait, tasser de là, on a répondu que le travail de policier à New London peut être très, très ennuyant, routinier, plate à mort, et que d'avoir des gens avec un haut quotient intellectuel augmenterait le nombre de gens qui démissionneraient de la job. Tu comprends-tu? Okay. C'est comme trop plate pour quelqu'un qui a de l'intelligence, mettons, qui dise, là, selon le test. Donc, il s'emmerderait du travail et dirait « je m'en vais finalement ». Après avoir lu le cas et après avoir passé tout le procès, etc., le juge a dit que Robert Jordan n'avait pas reçu de discrimination parce qu'il était traité comme tout le monde. Dans le fond, tout le monde passe le test. C'est tout le monde qui est trop intelligent et rejeté. Donc, c'est une règle, dans le fond, qui est choisie et qui est traité pareil comme tout le monde. N'importe qui aurait eu un score 3 a été rejeté. Donc, c'est pour ça que ça a été... Il n'a pas gagné, le gars. Ah. Hein, intéressant quand même. Ouais, ouais. C'est bizarre. Je peux comprendre le cas, tu sais, je veux dire, dans le sens, c'est sûr que si t'es intelligent... Pis c'est discutable, mettons. Là. Ouais. C'est discutable, mais je sais pas. J'ai de la misère à croire que tu peux refuser quelqu'un de par son intelligence. Ouais, c'est peut-être injuste, mettons. C'est ça qui... Injuste, ouais. Non, je okay. Ouais. Je pense que je suis d'accord avec toi, finalement. Ouais. Mais bref, voilà pour la chronique, c'est un fait d'aujourd'hui. D'autres faits demain à l'émission. Oui! On va entendre un extrait de Bradycardi, notre groupe local qu'on adore. Là, tout le monde tripe sur la chanson « Et si jamais ». C'est bon, c'est très bon. Oui, c'est très, très bon. Et on a entendu l'autre fois la pièce, je crois que c'était « Women of Peace » ou quelque chose du genre, une pièce en anglo qu'on avait aimé aussi, vraiment. Mais là, ils nous ont écrit ils nous ont dit « Hey, Crib, on a un nouvel extrait francophone que ça, vous, ça pourrait peut-être vous intéresser. » Donc, on va aller l'entendre, la pièce « Simon Cœur » de Bradycardie. Ça, c'est fou. 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Pièce détachée. Reine de France et Toxic Tuxedo. On aime ça tous les deux, nous autres. Hein? On aime ça, oui, on aime ça. C'est dans le palmarès, d'ailleurs. Hein? Oui, exactement. Palmarès qu'on peut entendre les jeudis de 14h à 17h et les vendredis à 17h. Oui. Oui, oui, oui. Et les lundis en rediffusion. À 13h. Oui. Ben oui. Ou sur assemblagerequis.com en balado-diffusion. Ah, non, par exemple. Non. François? Hey, Mathieu. Oui. Vas-y. Que, ben, tu voulais-tu me poser? C'est toi qui as la feuille, fait que. OK, écoute. Tu veux la lire, Lila. Ouais, c'est ça. Je me sens bien fin et finou en ayant pris la feuille, mais j'ai. Ben, c'est ton pas problème, c'est ça. Je l'ai pas lu encore. Bon. Je vais la lire. Moi, je l'avais. Mais ça paraîtra pas. Oh, ouais, tu l'avais lu, tu sais. Bon, je savais que je me mettais. Non. Écoute, on parle de bénévolat ici. Ouais. C'est des programmes de bénévolat d'aventure inoubliable de 2 semaines à plein de places, là, en fait, là. Ouais, des grosses places. Des grosses places, des places importantes. On parle ici de l'Amazonie, les îles Fidji. Ça doit être plate pour faire du bénévolat, là. Quand même. Et en Afrique, voilà, les disponibilités sont limitées. Et évidemment, en fait, là, on cherche des bénévoles, là, que ce soit en fait des jeunes, des moins jeunes, et en fait des gens impliqués qui souhaitent faire une différence dans le monde. Tout à fait. Aujourd'hui. Dans le fond, elle m'expliquait que c'est tu fais du bénévolat, puis ensuite, comme pour te remercier, tu as aussi un voyage qui t'est offert dans ces places-là, mais je crois qu'il faut peut-être que tu fasses du bénévolat là-bas aussi. Oh, ouais, c'est ça. Oh, ouais, je pense que oui. En fait, là, c'est ça. Si vous voulez plus d'informations, il va y avoir une rencontre avec l'équipe le mardi 1er novembre. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ça, ouais. C'est aujourd'hui au Pavillon de la Santé, à la salle 3813, à midi, 13h, 14h et 15h. Non, c'est pas vrai, c'est pas terminé. 16h et la dernière session à 17h. Donc, 6 sessions. 6 chances de vous présenter là-bas. Ouais. Et ça commence à midi à la salle 3813 au Pavillon de la Santé. Voilà. Voilà. Merci, François. Ça fait plaisir. Vous pouvez d'ailleurs visiter le site internet www.vesabroad.com. Vesabroad. Ouais, Vesabroad. Vesa qui veut dire? Volunteers été Studently Abroad. Ça se peut-tu? Je sais pas, c'est tellement écrit petit, là. En tout cas, c'est du bénévolat pour les étudiants à l'étranger. Bon, je sais pas, t'es-tu capable d'aller? Ah, on va voir. Volunteers... C'est etc. Non, je sais pas. Je sais pas. Sérieux, c'est vraiment pas je sais pas. Ouais, c'est en effet... Je sais pas. C'est pas grave. Non. Donc voilà, cet été, vous allez vivre comme un résident local et vous irez à des endroits isolés et éloignés en canot. Vous pourrez enseigner l'anglais à des enfants, aider un village en établissant un accès à l'eau fraîche ou à des services d'assainissement des eaux, restaurer une école primaire et accomplir du travail relatif à la conservation essentielle des oiseaux et des crocodiles, et ce dans le cadre d'un programme de bénévolat sur mesure selon vos habiletés. Vous passerez votre 2e semaine en aventure inoubliable, on le disait, les voyages en Amazonie, Fidji et Afrique. C'est une excursion du trekking, du rafting en Amazonie, un tour des îles dans un paradis terrestre du Pacifique du Sud, ou encore une rencontre des bêtes sauvages en safari africain. Voilà, donc ils disent « Venez avec nous cette année et faites une différence tout en vous amusant. » Voilà. Formidable. C'est superbe, ça. Hein? Ouais. J'aime ça. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. Nous, on va continuer avec notre prochain chroniqueur. Lui, on savait qu'il était là. Il est fiable. Il est tout le temps là. Il est là presque comme si ça avait l'air comme s'il était en direct, t'sais. Sauf qu'il nous adresse jamais la parole parce que t'sais, ça l'est pas vraiment. Voici Sébastien Dulude et Va voir ailleurs, j'y suis. Eh bien, bonjour à tous. Cette semaine, à Va voir ailleurs, j'y suis. Ma chronique s'intitule « La musique adoucit les meurtres ». Moi, savez-vous, j'aime la musique comme d'autres peuvent aimer la pornographie, la coke ou la bouffe. J'aime la musique comme un toxico, compulsivement et à l'excès. Ce qui n'empêche pas d'être un connaisseur, d'ailleurs, malgré le besoin. De fait, un toxico sait bien plus vite que quiconque lorsqu'on lui fourgue une ordure. L'addict chic va refuser les ordures, tandis que le junkie prendra effectivement tout ce qui lui tombera sous la main. On le sait, le comportement des masses est analogue à celui du junkie. Conditionnées, les masses s'affolent et dérivent lorsqu'elles sont en manque de repères, notamment de repères culturels. Les doses répétées de culture populaire qu'on leur injecte, parce qu'il y a bel et bien un pourvoyeur de culture populaire, ces doses donc les réconfortent et standardisent les masses par le nombre, la culture dominante. Cette dernière culture fait ainsi l'objet d'un contrôle strict par le cartel qui crée l'offre. Et là, ici, je ne parle pas métaphoriquement, mais tout à fait concrètement. Les rengaines qui sont diffusées à la radio agissent tout à fait comme une drogue addictive. Elles isolent socialement. Loin de rassembler et de faire partager une expérience collective qui est par définition exploratoire, imprévisible, la culture populaire isole l'individu du pluralisme, de la différence, du changement, tous des facteurs, en somme, qui sont associés à un risque de chaos social. Un exemple de ce que j'avance ici est celui des chansons commémoratives écrites à l'occasion de festivités collectives. La ville de Latuc, qui célèbre cette année son 100e anniversaire, a fait appel à sa population lors d'un concours qui visait à élire la chanson du centenaire. La pièce retenue, Digne centenaire, est l'œuvre de Yves Vachon et est co-interprétée par le groupe latucois Trafic. Bon, là ici, c'est absolument pas mon intention de critiquer personnellement l'œuvre de cet auteur-compositeur-interprète, M. Vachon, que je ne connais pas, ni le groupe Trafic, mais bien plutôt la chanson et le fait qu'elle ait été retenue comme chanson du centenaire, oui. Dire que cette chanson ne casse rien relève plutôt du superlatif euphémique. Donc, c'est un méga euphémisme, parce que la mélodie de cette chanson est si onctueuse qu'il est même difficile de la mémoriser. Elle est absolument informe, comme un jello. Les paroles sont d'une banalité déprimante. Petit extrait, elle est belle, elle est sans pareil, cette région dont on s'éprend. Et même que je dirais que la seule émotion que les paroles sont à même de provoquer, c'est un vague malaise au refrain, alors qu'on entend « Joyeux anniversaire, berceau de nos enfants, tombeau de nos parents ». Évidemment, la Tuc, c'est pas New York, ni Londres, ni Montréal. Il était fortement improbable que le concours révèle le futur Pierre Lapointe, là, on s'entend. Toutefois, je ne peux pas me résoudre à accepter que le comité des fêtes de la Tuc ait sincèrement cru que cette chanson allait réunir les Latucois. On l'a pas cru, mais en tout cas, on l'a certainement voulu. On a servi à la population une chanson mièvre, mais c'est surtout l'appareil politico-municipal et médiatique autour de la chanson qui a véritablement fait le boulot, en qualifiant la chanson dans l'espace social, comme on pourrait dire qu'un pilote se qualifie pour une course. On a donc mis en place un contexte pour que cette chanson soit acceptée par la population. Ce contexte repose essentiellement sur une rhétorique qui est tout à fait fallacieuse. On va dire en gros, celui qui chante pas en chœur avec la population est un trouble-fête, et un trouble-fête, c'est indigne, justement, de ce digne centenaire de la Tuc. Trois-Rivières. Bien, Trois-Rivières n'a pas échappé à ce jeu complaisant lors des fêtes du 375e en 2009. La chanson « La vie, plutôt 375 ans de vie » a été écrite et interprétée par Jean-François Bastien, aidé de quelques voix connues. C'est un trou noir poétique et musical. Point à la ligne. Il est strictement impossible qu'un amateur de musique puisse trouver du plaisir à vouloir chantonner, et là, je cite des extraits de la pièce, « La première industrie de toute l'Amérique, nous l'avons baptisée les forges du Saint-Maurice. Trois-Rivières, tu manipules les métaux. » Ah, vous en conviendrez, c'est tout aussi poétique que le mode d'emploi d'une pompe d'égout. Pire encore, appréciez cette petite perle de démagogie qui trône au rayon du conflit d'intérêts. Je cite encore la chanson. « Pensons à nos enfants, ceux qui fêteront nos 400 ans, sur Trois-Rivières, sur Saint-Laurent. » Avouez que ça vous la scie d'entendre dans cette chanson commémorative du 375e anniversaire l'évocation d'un projet pas encore né, ou en tout cas avec de sérieux dossiers problématiques sur la table en ce qui concerne Trois-Rivières, sur Saint-Laurent. Et dans le cas du 375e, de façon vraiment plus affirmée qu'à la Tuc, il y avait une vaste stratégie de communication qui a été mise en place pour créer l'adhésion du public au cadeau qu'on lui destinait. On pouvait lire dans le Nouvelliste du 29 janvier 2009 ces propos de Jean-François Bastien. Je le cite, « Quand on l'a présenté au comité des fêtes, la réaction a été enflammée. La chanson est festive, je pense qu'elle a tout ce qu'il faut pour plaire. En studio, on a clairement senti la passion qui animait tout le monde. » Fin de la citation. Eh bien, laissez-moi émettre des doutes sur cette affirmation. Que le comité se soit enflammé à l'écoute de la pièce, écoutez, ça m'apparaît quasiment plausible, parce qu'après tout, le gérant de la carrière de Bastien, c'était le président du comité, en la personne de Steve Dubé. Mais épargnez-moi, s'il vous plaît, la passion ressentie en studio. Je n'en crois pas un seul mot. La passion, ça vient des tripes. Ça peut véhiculer absolument aucun mensonge. La passion, c'est un absolu de l'émotion. Jamais ce mot ne pourra convenir pour décrire la simple et vulgaire satisfaction d'avoir créé un produit médiocre pour contenter les masses et justifier la dépense de budget important. Or, ces chansons commémoratives tombent systématiquement dans l'oubli. Pensez aussi à la chanson de Dan Bigra pour le 425e de Montréal, 400e de Montréal. Raoul Duguay récemment à son hymne au Québec. Ça tombe carrément dans l'oubli après avoir été lourdement critiqué. Qu'est-ce qui arrive avec ces chansons-là? C'est qu'elles sont surdéterminées à l'extrême, avec chantons, célébrons, tout le monde ensemble. Donc, c'est tellement amené sur l'événement qu'au bout du compte, elles ne créent qu'un petit témoin factice de cet événement, témoin factice pour la postérité. Mais c'est une postérité dans le cas de Trois-Rivières qui est bien éphémère parce que malgré le fait que le comité des fêtes du 375e ait souhaité que tout le monde connaisse et fredonne la chanson lors des spectacles, des festivités, ben la chanson est aujourd'hui absolument plus disponible nulle part sur Internet. Elle a disparu, les liens sont disparus. Pourquoi alors tout ce battage? Eh bien, je dirais que c'est pour ne pas effriter le consensus. Parce qu'il est plus avantageux de définir une identité sociale par la juxtaposition simpliste d'idées reçues que par la mise en lumière des différences et contradictions qui sont inhérentes à une identité sociale. Donc, en y allant de façon simpliste, l'increvable besoin des masses d'être assuré est satisfait par cette langue de bois artistique. Mais moi, je suis accro à la musique. Comprenez-vous? Mais je veux la musique qui me rend vraiment high. J'aime les sons qui bousculent mon corps. J'aime les textes qui marquent mon imaginaire. Je m'en shoot des quantités invraisemblables dans les oreilles. Si la musique que j'aime ne se retrouve pas en magasin, si elle ne la joue pas à la radio, bien, je vais aller la voler sur Internet. J'en ai besoin. Mais j'ai développé une violente allergie aux drogues de mauvaise qualité. Moi, je consomme pas de Caïn, de Vincent Vallière, de Cœur de Pirate. Je peux pas, ça me rend malade. Il y a dans ces musiques un vide désespérant qui est nocif à ma joie de vivre. Je suis un addict à la musique, mais je ne m'abreuve pas aux sources toxiques. Tu sais, je suis d'accord avec lui jusqu'à temps qu'il mentionne Vincent Vallière. Ouais, moi aussi. Moi aussi, Vincent Vallière. Vincent Vallière, c'est comme, je sais pas... Tu peux comme difficilement le détester, je trouve. C'est ça, je trouve aussi. Mais bon, je suis d'accord avec l'ensemble de ses propos, notre Sébastien Dulin, notre héros. Il y a son opinion, c'est correct. Non, c'est très, très bien dit. Vraiment, hein? L'analogie avec la drogue est super bonne. C'était Sébastien Dulin avec Va voir ailleurs, j'y suis. Il sera de retour mardi dans deux semaines à 8h30 pour une autre de ses chroniques semi-hebdomadaires. Ce qu'on dit bon, semi-hebdomadaires. Bimensuel. C'est n'importe quoi ces mots-là, pareil. Vous pouvez évidemment le lire dans le journal Zone Campus aussi aux deux semaines. Mettons aux deux semaines, ça se dit bien. Par quinzaine. T'sais. Par quinzaine? Une fois aux quinzaines, comme disent les Français. Nous, pour l'instant, à Assemblage Requis, on va l'entendre un de nos groupes préférés. Young Galaxy avec Peripheral Visionaries. Et après ça, on revient avec la conclusion de l'émission. Restez là. Sacred. We inhabit both creatures. Peripheral Visionaries de Young Galaxy sur l'album Shapeshifting. Je comprends rien. OK, c'est la fin de l'assemblage requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin 7h à l'émission. Demain, on a Myriam Fugère avec sa chronique aléatoire. Exactement, on parle d'aide financière avec Yann Martel. Ainsi que la chronique C'est un fait. Et Cédric, c'est plein d'autres affaires. Peut-être Stéphanie Gagné un jour. Peut-être la semaine prochaine. On sait pas. Qui sait? On remercie ceux qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Sébastien Dulude et puis toute l'équipe du journal Zone Campus parce qu'on a fait le survol en début d'émission. Merci à toi, François-Olivier. Merci, Mathieu Plante. Ça fait plaisir. Restez à l'écoute pour La Sécheuse à 9h. Puis à 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. Danny January. En après-midi, c'est le voyage insolite et album classique. Puis on revient en direct à 15h avec Drôle de Drouin, son émission musicale humoristique. Alex Drouin. À 16h, c'est une dose d'estrogène avec leur magazine culturel et puis en soirée, réanimation avec du métal et de l'horreur. Puis c'est l'Halloween à l'année longue. Ouais, ouais, tout à fait. C'est le fun, ça. Quand tu le mets dans l'ambiance, quelque chose d'épeurant. Voilà, une réanimation, c'est bon. Ouais, voilà. Donc allez voir sur cif.ca pour toute la programmation et sur assemblagerequis.com pour les balado-diffusions de l'émission et pour les notes aussi, tous les liens de l'émission d'aujourd'hui. On se quitte avec Obijou et Niagara. Oui, c'est très bon, ça. J'aime beaucoup ça, Obijou. C'est tranquille, mais c'est bon. T'es comme une fille, t'aimes ça, les bijoux. Les bijoux de famille. Les jewels, non. T'aimes les bijoux de famille. Ah, ben, je savais pas ça, François, c'est fou, j'ai pas dit j'aime les bijoux de famille, j'ai dit j'ai des bijoux de famille. OK. Et tu les offres en cadeau. Non. Ah, t'as compris. OK. Non. Niagara aux bijoux. Woo! Bye. Bye-bye. On finit sur une blague assez osée. Bon, tu me donnes bien. Ah, ouais? Ouais. OK.